L'angle choisi, Marie Pécuy. Landru les aime pas cru. L'angle choisi, Marie Pécuy. Landru les aime pas cru. Pour gagner un petit frisson, c'est pas ce qu'aimait l'opinion. Landru choisit Marie Pécuy. Landru les aime pas cru. Landru choisit Marie Pécuy. Landru les aime pas cru. C'était dernier. L'angle choisit Marie Pécuy.